s'avance, se penche, rousse, provocante, elle te mate, elle te vampe, toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix qui t'ensorcelle. Tu ne vois pas qu'elle t'épie, qu'elle te guette quand avec d'autres elle rit aux éclats. Fatale, elle se pâme, t'alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire quand ta languie, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi tu sens déjà ton cœur qui se lézarde, tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle l'épie, qu'elle le guette quand avec toi elle rit aux éclats. Qui vrai.